ado. La vie tourne à niche, pourrait te faire rire comme une ado. Je prends l'avenir, le passé pas trop, le passé pas drôle, le passé pas ma cadence. Salope, je galope, je provoque avalanche. Tu croyais pouvoir nous tester avalanche. Je suis dans cette pute comme Kenny dans Kardashian. Je lui mets les menottes, je suis attachant. Je sens les quenottes, je suis pas patient. Je suis le médecin, je suis pas patient. Elle me bouffe le fruit de la passion. Elle met tout, je m'enfuis de la passion. En pantoufle, je suis dans le passion. Tu pourras pas suivre son cardio. J'écris des images comme sur les murs de Lasco. Leur vision est trop étroite. Dans la vie, j'ai trempé le doigt au grand journal entre un bétois. La tronche est pas la trompe et boîte. Trophée, trophée, j'en ai trophée. C'est mon trophée, trophée. Je leur mets des crochets, V comme rocher sur la canette. J'ai des projets pour la planète. Je vais embrocher sur ma baguette. Je taffe comme chinois pour me rapprocher de la Stargate. Je donne le ok lorsque j'allais. Je suis OP, tu es charrette. Quand tu commences, on dit arrête. Vends une barrette, j'ai plus de force. Devant la mallette, je veux plus d'or. Laisse-moi tranquille, Mercus mort. Cherche pas de problème, c'est juste mort. VALDG du Zor. Quand tu parles, tu te fais du tort. Dans ton corps, on fait du sport. Tu fermes ta gueule et tu sors. Faire en l'air de l'escorte, dans les airs que des sports. Faire en l'air, on s'efforce d'être en paix, en pleine forme. Trophée, j'en ai trophée, c'est mon trophée. Certains sont venus pour une durée provisoire, pour se faire peser dans le fumoir. Leurs éthiques sont trop bizarres, t'es pas très sûr, j'suis official. J'peux te chlasser au visage pour mettre sourire sur ton minois. Je travaille ceinture d'explosif, pas ceinture abdominale. Je cherche à être bas, à avoir ta mère et ta grand-mère à la fois. Mes lyrics ne sont pas rasoirs, par hasard. Vicieux comme Salazar, dans Resident Evil, malafac. J'prends de l'assurance comme Calvicide.